emmène sur le sentier de la guerre. Ici les visages sont ternis et sur le sol il y a des hommes à terre. Au loin j'ai aperçu une tour, j'ai imaginé des civils cachés au fond de cette cour. J'ai cherché en vain, j'ai pas trouvé le soleil. Un soldat saigne de l'oreille, arrivera-t-il à retrouver le sommeil? Pourquoi même aujourd'hui rien n'a changé? On se bat pour être libre, on chiffonne tel des étrangers. Sur cette toile la bataille prend un virage. La mort du roi de Bohème, 1346 pour l'histoire. Aucun de ces hommes ne veut s'avouer vaincu. C'est peut-être pour ça que la couleur est crue. Noir-rouge, c'est ce que j'ai vu. Des cavaliers prêts à mourir pour leur patrie. Dans cette vaste prairie, le sang coule, je n'ai rien embelli. Ce tableau, moi je t'en parle avec mes mots. J'ai juste ouvert mon dico et j'en ai fait pleurer mon stylo. Un pied en enfer. Un pied en enfer. Un pied en enfer. Un pied en enfer. En enfer. En enfer. En enfer. Le jour de ma naissance, je voyais le monde comme un trompe-l'œil. Le regard vide des gens me jugeait sans me parler. Mon univers se joue autour d'un bord cadré où les couleurs faites au fusain absorbent les larmes comme sur une toile. J'ai vu ma vie partir de rien. J'ai refait les contours au pinceau. J'ai vu ma gueule trouble comme dans une flaque d'eau. J'ai vu la guerre comme une peinture de Picasso. Les hommes et les chevaux se broyaient faisant de la place aux colombes gisant sur le sol, signe de liberté. Aux femmes criant la haine à la pupille torturée. J'ai vu la stricte réalité. Les pieds brûlés par les flammes de l'enfer où les enfants y vivent parmi les anges déchus. Je voulais faire de ma vie une putain de peinture, une fresque chronologique où les démons saturent et les bisous s'attirent. Laisse-moi te dire pourquoi la haine a autant de place dans ce monde. Parce que pour certains les couleurs s'y mélangent. Un pied en enfer. Un pied en enfer. Un pied en enfer. Un pied en enfer. En enfer. En enfer. En enfer. En enfer. En enfer.